Attention, message personnel. Panique au Mangin Palace. Je répète, panique au Mangin Palace. Ah ah, nous revoilà. C'est donc la panique, en direct du Mangin Palace, épisode 40. Bienvenue à toi, dans ce monde archi-loufoque et total foutraque, où l'élégance se mélange au n'importe nawak, le tout dans une farandole de volutes sonores, orchestrée par une bande de doudingues. La machine est prête et a priori, nous serions ce matin, le dimanche 11 juin 2006, 11h06. Bonjour à toi, l'ami. Cette semaine, dans Panique au Mangin Palace, tu es gaulois sans filtre, tu es cendrier en rotin, tu es blonde et bien roulée, tu es... T'aurais pas une clope, s'il te plaît. Tu es juste après l'amour et tu es aussi... Il est interdit de fumer dans cet immeuble, mademoiselle Tramel. Qu'est-ce que vous allez faire ? M'inculper pour fumage ? Oui, tu l'auras compris, l'ami. Ce matin, tu es feuille de tabac, tu es mégot qui pue. Mercredi dernier, Dominique de Villepin, pour une fois, a lancé une concertation par le biais d'une mission parlementaire pour envisager, peut-être à court terme, d'interdire de fumer dans tous les lieux publics en France. Ainsi, après l'Irlande, l'Écosse, la Norvège, l'Italie et la Suède, nous pourrions être les prochains Européens à ne plus pouvoir fumer hors de chez soi. Alors, à l'heure où la cigarette s'apprête à devenir hors la loi, la panique au Mangin Palace a donc décidé ce matin d'essayer de faire le tour de la clope. Donc, dans l'heure qui vient, nous allons tenter de te raconter une histoire illustrée mais toujours décalée, celle du tabac. Pour commencer, de Christophe Colomb à la Ceïta, il faut retracer l'histoire de l'exploitation du tabac. Ensuite, il faudra s'intéresser aux différents types de fumeurs, des accros de la cibiche aux amateurs de cigares. On enchaînera justement sur une interview exclusive du journaliste Jean-Paul Kaufmann qui viendra nous parler de sa passion pour le cigare. Et puis, nous nous sommes posé une question. Le paradis est-il un espace non-fumeur ? A-t-on le droit de fumer dans l'au-delà ? Réponse tout à l'heure. Et enfin, te raconter les difficultés que doivent surmonter Monique et Jean-Claude depuis que Jean-Claude s'est arrêté de fumer il y a quelques jours seulement. Une seule mission, tenter de chahuter tes zygomatiques. On est dimanche matin, on est bien et le décollage est imminent. Allez, c'est parti, c'est la panique au Mangin Palace. Alors bien sûr, monte le son et tu vas faire un tabac. It's not unusual to be loved by anyone. It's not unusual to have fun with anyone. But when I see you hanging about with anyone, it's not unusual to see me cry. I wanna die. It's not unusual to go out at any time. But when I see you out and about, it's such a crime. If you should ever wanna be loved by anyone, it's not unusual, it happens every day. No matter what you say, you'll find it happens all the time. Love will never do what you wanna do. Why can't this crazy love be mine? It's not unusual to be mad with anyone. It's not unusual to be sad with anyone. But if I ever find that you've changed at any time, it's not unusual to find that I'm in love with you. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. It's not unusual, chante en 1965 le crooner Tom Jones. Tom Jones a débuté sa carrière dans les pubs enfumés du Pays de Galles avant d'être remarqué par un producteur. Et c'est avec son tube It's not unusual que Tom Jones a fait la première partie des Rolling Stones qui, eux, c'est bien connu, ne roulaient pas que des pierres. Alors, cette semaine, la panique au Mangin Palace s'intéresse donc au tabac, à l'heure où il est question d'interdire de fumer dans tous les lieux publics en France. Mais le tabac, il faut le rappeler, c'est avant tout une plante. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne, car pour ces feuilles-là, jamais on ne fredonne. Les feuilles de tabac se moquent bien de l'automne, car même s'il fait froid, jamais elle ne frissonne. Le tabac, c'est une plante annuelle qui fait partie de la famille des solanacées, comme entre autres le pétunia, la pomme de terre et l'aubergine qui, elle, attention, ne se fume pas. Le tabac est originaire des régions tropicales d'Amérique où la plante était déjà cultivée par les Indiens. En 1492, Christophe Colomb découvre l'Amérique et donc le tabac qu'il rapporte à la cour d'Espagne. Eh oui, on est tous un peu pareil. Quand on revient de voyage, on aime bien faire goûter à nos amis des spécialités locales. Permettez à votre palais de goûter toute la saveur du tabac. Goûtez. Et vous dites que c'est un vice indien. Je ne vois là aucun plaisir qui en ferait un péché. Bon, d'accord, ce ne fut pas tout de suite un succès. Et pourtant, le tabac devient au XVIe siècle une plante recherchée grâce aux vertus thérapeutiques qu'on lui prête. Le tabac est alors bu en tisane ou en décoction. Parfois, il est prisé. Et c'est en 1461 que le tabac est introduit en France. L'année 1961 marque le 400e anniversaire de l'introduction du tabac en France. Et à cette occasion, Jacques Février a demandé à M. Grimaldi, directeur général de la CEITA, pourquoi cet anniversaire était particulièrement mémorable. Jean Nicot, ambassadeur de France en Portugal, apporta le premier le tabac à la reine Catherine de Médicis. Depuis cette époque lointaine, l'histoire du tabac est une des plus extraordinaires qui soit. Venu du Nouveau Monde, le tabac a conquis l'Ancien Monde. Je crois que c'est Napoléon qui, en 1811, a fondé le monopole des tabacs. Nous sommes donc en même temps devant le 150e anniversaire de la fondation du monopole des tabacs en France par l'empereur Napoléon Ier. En France, l'État a donc le monopole des tabacs dès 1811. Le tabac est alors importé en grande quantité. Au XIXe siècle, la consommation se généralise et le tabac se fume dans des pipes, des brûle-gueules et des bouffardes, mais aussi sous forme de chic ou de tabac à priser. La cigarette apparaît vers le milieu du XIXe siècle, mais ne se généralise qu'au XXe siècle. D'ailleurs, la cigarette, c'est un signe majeur d'émancipation pour la femme qui veut se libérer pendant les années folles. Oui, dans les années 20, la garçonne, c'est une fumeuse. Elle fume beaucoup, elle a des avis sur tout. Elle aime raconter qu'elle s'est changé une roue. Elle avoue son âge, celui de ses enfants. Écoute même un petit joint de temps en temps. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Ne la laisse pas tomber, elle est si fragile. Être une femme libérée, tu sais c'est pas si facile. Eh oui, la consommation de cigarettes explose au XXe siècle. Les guerres mondiales, tout comme le service militaire d'ailleurs, sont des périodes où se généralise le tabac que l'on donne aux soldats. Après la Seconde Guerre mondiale, arrive sur le marché européen un nouveau type de cigarette, la cigarette américaine au tabac blond et avec filtre. L'industrie fait alors tout son possible pour donner une image positive du tabac à une époque où le grand public ne connaît pas très bien les effets sur la santé. C'est ainsi que la cigarette a droit de cité sur les plateaux de télévision, dans les cinémas, dans les trains, enfin partout. Et d'ailleurs, dans les années 60-70, c'est batte de fumer jeune quand on veut faire viril. 14 ans les Gauloises au fond du tiroir super camouflé. 14 ans les Gauloises au fond du dortoir, chacun sa bouffée. Avec la première cigarette, c'est quelque chose qui s'arrête et s'envole avec la fumée. 14 ans les Gauloises au fond du tiroir. super camouflé. Eh oui, jusqu'aux années 80, fumer, c'était le signe de l'indépendance et de la virilité, à l'instar du cowboy solitaire. Mais cette image a bien changé. La toxicité du tabac est maintenant prouvée depuis bien longtemps et des mesures de santé publique ont été prises pour que les consommateurs soient informés des risques encourus par la cigarette. Parce que jusqu'alors, on fumait pour le plaisir, par accoutumance ou pour faire viril. Et oui, rien de tel que la clope pour avoir une belle voix grave dont les imitateurs raffolent. J'ai un assez beau talent, un talent d'imitateur. Mais bon, comme je vous dis, je ne sors jamais, donc je n'imite que les gens de ma famille. Ah ben forcément, quand tu ne connais pas les gens de ma famille, ça ne fait pas marrer. Oui, si vous voulez, je peux vous imiter mon père qui a un cancer de la gorge. Mais je vous préviens, en général, ça fait rigoler que mes gosses. Hein. C'est mon père qui dit à ma mère... Maman, je voudrais une petite couloise sans filtre. C'est rigolo, hein ? Eh oui, c'est rigolo à quel point les grandes compagnies de l'industrie du tabac ont su s'entendre pour toucher le plus grand nombre, les plus jeunes et surtout pour accentuer la dépendance à la nicotine tout en connaissant parfaitement les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Mais bon, tu peux toujours tenter de substituer ta dépendance à la nicotine par une dépendance au chewing-gum. Tu t'acharneras alors sur un bout de glucose élastique. Je m'acharne sur un bout de glucose élastique. Parfum chlorophylle synthétique. Je me tais sans relâche. Je ne dis rien, je mâche. Je rumine et je cache mes amours à la gomme. Je crache à la James Dean comme si j'étais un homme. Je m'attache à ce faux patin pathétique. À bouche perdue, je mastique. Je ravale en silence l'arrière-goût de vengeance. J'ai beau serrer les dents pour oublier ton corps, malgré moi je salive chaque fois que je mords. Tu m'as rendu débile menthol. Tu m'as rendu accro sorbitol. Désormais je te colle. Tu m'as rendu débile menthol. Tu m'as rendu accro sorbitol. Maintenant je te colle. Je remplace les reproches à mes lèvres par un tic. Du bout de la langue technique, sous mon palais je plaque une bulle que je claque. T'es devenu ma chose, tes chewing-gums dans mon esprit. C'est toi que je gonfle puis que j'éclate avec mépris. Tu m'as rendu débile menthol. Tu m'as rendu accro sorbitol. Désormais je te colle. Débile menthol, c'est ce qu'annonce Elisa Tavotti sur un album intitulé « Je ne mâche pas les mots ». Parce que croire que fumer des menthols, c'est moins dangereux, ben c'est débile. Alors pour continuer notre exploration de l'univers enfumé de la cigarette, après avoir survolé l'histoire de l'exploitation du tabac, il est temps maintenant, toujours en direct du Mangin Palace, de nous intéresser quelques minutes aux accros de la clope, et ils sont nombreux, figure-toi. Aujourd'hui, on comptabilise en France 15 millions de fumeurs, ce qui représente à peu près un Français sur 4. C'est-à-dire que si chaque fumeur, en moyenne, passe 10 minutes par jour à fumer, cela équivaut grosso modo à une perte quotidienne de 2 millions d'heures de travail qui partent donc en fumée. Dès lors, on comprend mieux pourquoi de nombreux patrons ont anticipé l'interdiction du gouvernement de cloper sur son lieu de travail. Et oui, il n'y a pas de petit profit, la productivité ne peut s'encombrer de volutes. Cela dit, les fumeurs sont avant tout esclaves du tabac. Quoi qu'on en dise, même si le plaisir de fumer est une réalité, les fumeurs sont dépendants de la nicotine. Leur cerveau réclame régulièrement sa dose de satisfaction. Du coup, Quand tu es fumeur, depuis de nombreuses années, tu es aliéné à la cigarette, ce qui déclenche chez toi toute une série d'habitudes incontournables qui, comment dire, sont très particulières. Il y a une cigarette que j'adore, moi. Ma préférée, c'est la première de la journée. Celle du matin, celle du réveil quand t'as rien mangé, tu sais, celle qui te met dans un état de... où tu cherches la cuisine, même si c'est chez toi. Ah, je l'adore, celle-là. Et quand je m'énerve, c'est pas génial quand t'as tapé une crise de nerfs de fumer une bonne cigarette. D'ailleurs, je sais pas si vous avez remarqué, les mecs, dès qu'ils ont terminé une bagarre ou un truc comme ça, première chose qu'ils font après la bagarre, après une clope, je te jure, j'allais le tuer. Par ailleurs, comme chacun sait, les fumeurs les plus intoxiqués sont ceux, bien entendu, qui ont commencé très jeunes. Mais bon, c'est difficile aussi de refuser la cigarette quand on est adolescent. Et oui, parce que les premières clopes, c'est l'émancipation, c'est le romantisme, c'est du glamour à la James Dean. Et puis surtout, tu découvres des sensations incroyables avec ta première clope. Tu me fais tourner la tête, mon manège à moi, c'est toi. Je suis toujours à la fête quand tu me tiens dans tes bras. Je ferai le tour du monde, que ça ne tournerait pas plus que ça. La terre n'est pas assez ronde pour m'étourdir autant que toi. Ça fait tourner la tête, les premières cigarettes. Le problème avec les ados, c'est qu'ils recherchent toujours des sensations de plus en plus fortes pour tester leurs limites. Et bien souvent, quand ils fument des cigarettes, à un moment donné, les ados finissent par y mélanger des substances illicites, juste pour voir, et parfois, les médias s'en inquiètent. Vous savez que les jeunes Français sont ceux qui fument le plus au monde? Non. Si. On est les champions. On est les champions. Oui, non. Nous sommes à égalité avec les jeunes Hollandais. Ah ouais? Oh bah pas grave quoi. On est en finale. On est en finale. Les braves petits. Cela dit, pour les amateurs de cigarettes, adultes ou adolescents, la clope a d'autres utilités essentielles que celle de te faire flirter avec des paradis artificiels. Par exemple, une clope au bec, ça donne de la contenance. C'est une gestuelle parfois très sensuelle. Une cigarette, c'est aussi un excellent moyen de tenter une approche. Vous avez une cigarette? Je ne fume pas. Bien sûr que si. J'ai arrêté. Félicitations. Je croyais que vous n'aviez pas de cigarette. J'en ai trouvé dans ma poche. Vous en voulez une? J'ai arrêté, je viens de vous le dire. Vous recommencerez. C'est terrible, car cet homme finira sans aucun doute par céder à la tentation de cette blonde si bien roulée. Mais il faut faire attention, car si nous sommes là dans l'érotisme que peut provoquer parfois une cigarette, il existe d'autres situations beaucoup moins glamour. Et oui, il arrive en effet que les gros fumeurs, ceux qui n'arrivent pas à décrocher, te proposent eux aussi de fumer en leur compagnie. Mais là, c'est tout de suite beaucoup moins excitant. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac si tu veux, serre-toi. J'ai du bon tabac et un gros cancer. J'ai du bon tabac, surtout te gêne pas. J'ai du bon tabac dans ma tabatière. J'ai du bon tabac si t'en veux, serre-toi. J'ai du bon tabac et un cancer. J'ai du bon tabac pour moi. Et oui, au grand rayon des amateurs de cigarettes, il y a également les fumeurs passifs. Eux, ils ne tirent pas une taffe, mais ils partagent le cancer avec les autres. Alors, du coup, forcément, ils ont les boules et surtout, ils sont en croisade. La cigarette tue tout doucement 250 milliards de morts par an. Cette maladie si célèbre et merdique qui est aussi un crabe astrologique. La cigarette, non seulement ça tue, mais ça coûte cher, et puis ça pue. La nicotine te colle aux doigts, tes cheveux sentent le cendrier pendant des mois. Fume, fume cette cigarette, grille des mégots de vieux clopos sur des conseils de médecine. Lui dans Poumon Magazine. Fume, fume et puis oublie les détergents qu'il y a dedans, les bénéfices de l'État, la marche de la Seita. Alors, nous voici arrivés à mi-chemin de cette émission consacrée au tabac. Et pour enrichir notre regard sur les amateurs de volutes, nous avons joint cette semaine au téléphone un authentique passionné de cigares, à savoir le journaliste Jean-Paul Kaufmann. Pour commencer, nous lui avons demandé ce qu'est exactement un fumeur de cigares. Réponse juste après le jingle. C'est cadeau VIP, 100% VIP. Ça le fait, ça le fait, ça le fait, ça le fait. VIP. Le fumeur du cigare, d'abord, contrôle son plaisir. Hein, il choisit son moment, hein, à la différence du fumeur de cigarette. Vous voyez, c'est un rituel qui n'a rien à voir avec la dépendance. Le fumeur de cigarette est esclave de son plaisir ou de sa passion, si l'on veut. Et le fumeur de cigare, lui, il en est le maître et il contrôle son plaisir. Le fumeur de cigare aussi est sensible à l'objet. C'est cette façon de le palper, la cape, ce côté dodu. Parfois, il est sec aussi. Mais tout cela est très important. La façon de l'allumer, de le couper, c'est capital. Alors, par ailleurs, Jean-Paul Kaufmann, quelle est la véritable spécificité d'un cigare ? Le cigare n'est pas un produit du tabac comme les autres. Hein. Il ne faut surtout pas le confondre avec la cigarette. Hein. C'est un produit artisanal qui implique un terroir, une origine, un assemblage, une traçabilité aussi, hein, comme un grand vin. Hein. C'est pas comme la cigarette, un produit industriel reproductible à l'infini. J'allais dire aussi, c'est un produit naturel. La fumée du cigare, finalement, traverse un long tuyau de feuilles compactées qui vaut tous les filtres. Et en tant que véritable amateur de cigares, Jean-Paul Kaufmann, parmi les fumeurs célèbres de Monte Cristo ou de Cohiba, vous êtes plutôt Winston Churchill ou Che Guevara ? Je ne vais pas vous faire une réponse de Normand, mais Winston Churchill, par exemple, c'est extrêmement intéressant. Lui, vous voyez, quand il descendait de l'avion, quand il arrivait quelque part, il y avait le V de victoire et il fallait absolument aller lui chercher un cigare parce qu'il l'avait au bec et puis il le brandissait après. Alors, il l'allumait, il en tirait quelques bouffées, mais il le terminait rarement. Alors, il en a allumé énormément. Che Guevara, c'est autre chose. C'était pas un hédoniste, hein. Che Guevara, c'était plutôt quelqu'un de puritain, c'était un ascète, mais je crois que la seule, j'allais dire, sensualité qu'il s'autorisait, c'était le cigare. Et puis, quand il était dans la Sierra Maestra, ça lui était extrêmement utile contre les moustiques. Les restes de ses cigares, il mettait ça dans de l'eau, et puis après, il s'enduisait avec ce liquide qui ne devait pas être très appétissant pour se protéger des moustiques qui étaient extrêmement agressifs. Voilà, c'est deux façons d'envisager le cigare. Il y en a bien d'autres. Eh bien, c'était Jean-Paul Kaufmann pour la panique au Mangin Palace. I remember when I lost my mind. There was something so pleasant about that place. Even your emotions have an echo in so much space. Without care, yeah, I was out of touch. But it wasn't because I didn't know enough. ever since I was little, it looked like fun. If there's no coincidence, I've come. And I can die when I'm done. But maybe I'm crazy. Maybe you're crazy. Maybe we're crazy. Crazy, assurément l'un des tubes de l'été, interprété par le groupe britannique Niels Barclay. Crazy parce que c'est bien cela, parfois quand tu fumes une cigarette qui fait rire, tu deviens complètement hystérique, totalement crazy. Alors, pour continuer à se frayer notre chemin au milieu des volutes de tabac, il est temps à 11h31 d'essayer de répondre à cette question fondamentale, a-t-on le droit, oui ou non, de fumer au paradis ? Peut-on se griller une cibiche à la droite du père ? Donc, imaginons un instant que nous soyons ce matin à la porte du royaume des cieux. Ainsi, la route fut longue pour arriver jusqu'aux portes du paradis. Surtout pour les fumeurs, vu que Saint-Pierre Airlines s'est aligné depuis peu sur les autres compagnies aériennes et qu'il est désormais formellement interdit d'y allumer une cigarette. Alors, comme chacun sait, avant de retrouver des jardins célestes du Seigneur, sur le toit du monde, tu dois affronter Saint-Pierre, le gardien des clés. Du coup, au moment de remplir avec lui les formalités d'usage, le mieux, je crois, c'est de lui demander immédiatement si le royaume de Dieu autorise la cigarette. C'est alors que tu découvriras que pour Saint-Pierre, la clope, c'est un sujet sensible et tabou. Irrésistible tentation qui me dévore, j'en perds la raison. Inavouable obsession, voilà le diable dans la maison. Voilà le diable dans la maison. Bon. Visiblement, Saint-Pierre doit être un fumeur repenti, mais sa réponse sur le droit ou non de fumer au paradis n'est pas si claire. Là encore, le mieux, me semble-t-il, pour éviter le purgatoire, c'est de ne pas trop insister auprès de Saint-Pierre et d'attendre ta prochaine rencontre dans les jardins célestes. A priori, tu devrais croiser assez rapidement la Sainte Vierge. Mais encore une fois, tu verras que la mère de Jésus est assez ambiguë sur l'opportunité de pouvoir fumer des cigarettes au paradis. En effet, la Vierge Marie te répondra qu'ici... L'amour, c'est comme une cigarette. Ça brûle et ça monte à la tête. Quand on ne peut plus s'en passer, tout ça s'envole en fumée. L'amour, c'est comme une cigarette. Ça flambe comme une allumette. Ça pique les yeux, ça fait pleurer. Et ça s'envole en fumée. Décidément, tu ne sais toujours pas si tu as le droit ou non de fumer au paradis. Mais il est évident maintenant qu'il y a un souci avec le tabac dans le royaume de Dieu. D'autant qu'à côté de la Vierge Marie, il y a là Marie-Madeleine qui, comme chacun sait depuis le Da Vinci Code, est la femme de Jésus, Madame Christ donc, qui ne cesse de pleurnicher car elle donnerait tout. Rien que pour un mégot, pour un bout de cigarette, ça me fait des frissons sous la peau. Mais j'ai chaud dans mon cœur, dans ma tête. Rien que pour un mégot, je reprends soudain confiance. C'est comme si je retrouvais la chance. Rien que pour un mégot. Bon. Comme personne ici jusqu'à présent ne semble être réellement au courant sur le droit de se griller une sèche au paradis, il faut aller voir le Fils de Dieu lui-même. Il doit sans doute maîtriser le règlement intérieur. Cela dit, pour Jésus, c'est encore plus complexe la clope. Quand on lui parle de cigarette, il évoque immédiatement son passage sur terre au milieu des apôtres, dont il se souvient d'ailleurs avec beaucoup d'émotion. On allumait une cigarette et tout s'allumait, et c'était la fête le 14 juillet. Il n'y avait jamais un copain de trop dans l'équipage Jojo. Il y avait moins de nuits sans guitare que de jours sans pain. On partageait tout et on n'avait rien. Qu'est-ce qu'on était fou, qu'est-ce qu'on s'en foutait, qu'est-ce qu'on était bien. Ainsi, après ces quelques échanges hallucinants, il faudra te rendre à l'évidence. Le paradis semble être une zone interdite au tabac, entièrement squattée par une équipe d'anciens fumeurs qui ne s'en remet pas. Quand, tout à coup, après une balade bucolique au milieu des rivières de miel et de lait, tu surprendras une étrange conversation entre deux apôtres du Christ, à savoir Saint Jean et Saint Jacques. Ça tient toujours ta transaction de Monte Cristo ? C'est organisé. Ça te tente toujours pas ? Pour 5 000 $ que tu investis, tu as la garantie de toucher 10 000 $. Je suis en cheville avec un groupe d'avocats et de juges. À l'idée de goûter un cigare cubain, ils bavent d'envie. Écoute, tu fais ce que tu veux, mais évite de te faire coincer, hein ? Ici, c'est toujours illégal de vendre des cigares cubains aux dernières nouvelles. C'est la loi qui me les achète. C'est justement toute la beauté de la chose. C'est pas de mal à veille qu'on verra un juge s'envoyer en cabane. Tu fais ce que tu veux. Ne garde pas de boîte ici trop longtemps. Elles seront seulement en transit. Tout est prévu dans les moindres détails. Eh oui. Alors que tu avais cru qu'au paradis, tu étais devenu non-fumeur malgré toi pour l'éternité, tu apprendras donc qu'en réalité, il existe dans les jardins célestes un gros trafic de cigares cubains. Et dans ce royaume de la transparence, il te faudra retourner voir Saint-Pierre pour lui réclamer la vérité. C'est alors que Saint-Pierre lui-même n'aura plus d'autre choix que de t'avouer qu'en réalité... Dieu est un fumeur de Havane. Je vois ces nuages gris. Je sais qu'il fait même la nuit comme moi, ma chérie. Dieu est un fumeur de Havane. Eh bien, bravo. Voilà que Dieu lui-même, en son paradis, est un fumeur de Havane. Face à cette nouvelle fracassante, et pour en savoir un peu plus, tu n'auras plus d'autre choix que de rencontrer Dieu, le Tout-Puissant. Ainsi, il te confirmera qu'il y a bien quelques clubs réservés aux fumeurs au paradis, mais il te dira surtout qu'en effet, il apprécie plus que tout la saveur des Monte Cristo. Quoique, parfois, pour être vraiment tranquille, Dieu te fera cette confidence qu'il se laisse aussi tenter par... Les cigarillos ont cet avantage de faire le vide autour de moi. J'en apprécie le tabac et la prévenance. Les cigarillos ne sont pas comme moi, empreints de timidité. Et leur agressivité est tout en nuance. Quel tabac. Peut-être alors, Dieu seul le sait, qu'il te proposera de fumer un cigare avec lui au paradis, sur le toit du monde. Cela dit, tu constateras rapidement que le Tout-Puissant est inquiet en ce moment. Et oui, son fils lui donne du souci, car Dieu n'est pas dupe. Il est persuadé que depuis quelque temps, Jésus... Il doit fumer de la marijuana avec un regard bleu qui plane. Jésus-Christ est un hippie. Décidément, les jardins célestes sont truffés de sacrées surprises. Et ce n'est pas si mal. Pour un fumeur, le paradis sans tabac, c'est l'enfer. Mais bon, pour répondre à notre question initiale, il semblerait bien qu'au paradis, il y ait une certaine tolérance quant au tabac, un peu comme ici-bas, car il s'agit surtout de ne pas polluer les non-fumeurs. Après, rien ne t'empêche, bien au contraire, de savourer une petite blonde sur le boulevard Brune. Ce soir, Manu Chao en Sibérie, avec la force et l'enthousiasme. Boulevard Brune, il est minuit, elle était blonde et si jolie, comme si la brume s'était posée sur mon regard, sous les pleins phares, petite blonde du boulevard Brune. Je t'allume et je te fume, le long du quart de la police, au coin du square, tu ne dis rien, quel est ton nom, je ne sais pas, où est-ce que tu vas, je ne sais plus, petite blonde du boulevard Brune, je t'allume et je te fume. Pas de problème, Sibérie.

Bonjour bébé. Alors, regarde, qu'est-ce qu'il dit de ça? Et je t'aime de ses formes, c'est incroyable. Quand est-ce qu'on mange? J'ai une bonne nouvelle. Ah bon? Bah écoute, ça tombe bien parce que moi aussi j'ai une bonne nouvelle. Et, écoute, tu sais qu'une cigarette en moins de fumée, ça fait 10 minutes de vie en plus de gagner. Tu savais ça? Alors moi j'ai calculé que à partir de un paquet de cigarettes, ça fait 3h30 par jour de vie en plus de gagner. Ce qui fait qu'au bout d'un an, ça fait 52 jours de gagner. Alors au bout de 30 ans, tu te rends compte, ça fait 5 ans de gagner. Ça veut dire que au lieu de mourir à 80 ans, je mourrai à 85. C'est extraordinaire ça, non? Et comment tu feras? Sans moi? Mais non, sans Monique, la vie n'est pas possible. Elle sera toujours là, Monique. Pourtant, Jean-Claude n'arrive pas à chasser de ses narines l'odeur du tabac. C'est alors que Jean-Claude découvre l'horrible vérité. Il s'aperçoit que si toutes ses cigarettes ont disparu, c'est que son fils Rémi est en train de les fumer en cachette dans sa chambre. Alors là, Jean-Claude, pour son fils, il sait trouver les mots justes. Stop! Eh oui, Jean-Claude, il sait que s'il y a de très bonnes cigarettes dans la vie d'un fumeur, la plus mauvaise, c'est la première. Voilà, fin de l'histoire. Jean-Claude, d'ailleurs, il se souvient très bien de sa première cigarette. À l'école, quand j'étais petit, les grands se cachaient sous leur lit pour fumer en cachette une cigarette. Ils se faufilaient sans un bruit à la faveur de la nuit. Certains d'entre eux fumaient dans les toilettes. Le privilège qu'il m'accordait, c'est moi le petit qui craquait une allumette pour leur cigarette. Fume, fume, fume cette cigarette. Fume, fume, fume, fume cette cigarette. Et j'entends leur voix me dire, elles reviennent en souvenir pour devenir un homme, fume cette cigarette. Des cours du soir m'a entraîné dans le parloir. Je n'ai pas l'impression d'être à la fête. Elle dit qu'il faut me rattraper, que j'ai besoin de cours particuliers, qu'elle a toujours maté les fortes têtes. Elle m'a reçu dans son peignoir, m'a demandé si je voulais boire et tendu un paquet de cigarettes. Fume, fume, fume cette cigarette. Fume, fume, fume, fume cette cigarette. Et j'entends sa voix me dire, elle revient en souvenir, pour devenir un homme, fume cette cigarette. Plus tard, lorsque j'ai vu Humphrey Bogart pincer entre ses lèvres une cigarette. Identifié à ce héros, je marchais en roulant le dos. Je me prenais pour un roi du racket. Je n'ai connu que des déboires. Je rentrais en toussant le soir, sans la moindre féminine conquête. Fume, fume, fume cette cigarette. Fume, fume, fume, fume cette cigarette. Et j'entends les voix me dire, elles reviennent en souvenir, pour devenir un homme, fume cette cigarette. Il m'arrive souvent de fumer des choses plus ou moins bien roulées, qui ne ressemblent pas toujours aux cigarettes. Je n'ai rien compris, n'ai rien vu, mais un homme, je suis devenu accroché pour toujours aux cigarettes. Fume, fume, fume cette cigarette. Fume, fume, fume, fume cette cigarette. Et j'entends les voix me dire, elles reviennent en souvenir, pour devenir un homme, fume cette cigarette. Fume cette cigarette, c'est ce que te propose Eddie Mitchell en 1974 sur un album intitulé Rocking in Nashville. Fume cette cigarette, sinon c'est simple, c'est moi qui la fume. Alors, nous voici donc arrivés au terme de notre balade dans l'univers enfumé de la cigarette. Des feuilles de tabac aux feuilles à rouler, de Jean-Claude qui arrête de fumer à Jésus qui n'a jamais vraiment cessé, et des accros de la nicotine aux fumeurs passifs, nous t'avons dressé un panorama subjectif de ce que peut être le monde du tabac. Alors, c'est quoi exactement le tabac. Eh bien, c'est une plante dont les feuilles se fument essentiellement sous forme de cigarettes. En France aujourd'hui, il y aurait 15 millions d'accros à la nicotine et quelques millions de fumeurs passifs. Et le dialogue fumeur-non-fumeur n'est pas toujours facile. Tu fumes pas, bah t'en as de la chance. C'est que la vie pour toi, c'est du velours. Le tabac, c'est le baume de la souffrance. Quand on fume, le fardeau est moins lourd. Du gris que l'on prend dans ses doigts et qu'on roule, c'est fort, c'est âcre comme du bois, ça vous saoule. C'est bon et ça vous laisse un goût presque louche, de sang, d'amour et de dégoût dans la bouche. Bien entendu, le tabac reste une drogue parmi tous les produits qui nous entourent. D'ailleurs, c'est comme le port salut, maintenant c'est écrit dessus, fumer ça tue. Mais bon, avec la cigarette c'est compliqué pour deux raisons. La première, c'est que c'est légal et que les fumeurs sont des vaches à lait pour l'État. La seconde, c'est que fumer procure un réel plaisir. Alors malgré toutes les recommandations et les campagnes anti-tabac, pour certains, il n'y a rien à faire, ils ne peuvent pas faire autrement. De la vie, je fume à m'en relever la nuit, à m'en relever la nuit. Alors maintenant, pour terminer cette émission, la panique au Mangin Palace a décidé de t'offrir quelques pistes pour investir les économies que tu réaliserais si tu arrêtais de fumer demain. En sachant que le prix moyen d'un paquet de cigarettes est de 5 euros, si tu fumes un paquet par jour, dans un an, tu auras économisé 1825 euros. Très bien. Alors, qu'est-ce que tu pourrais en faire de cet argent? Déjà, avec 1825 euros, tu peux t'acheter au marché noir un billet d'entrée pour la finale de la Coupe du Monde le 9 juillet prochain entre Trinité et Tobago et l'Angola. Si tu n'aimes pas le football, avec 1825 euros, tu peux consommer des milliers de litres de bière ou alors une bouteille de Romané Conti, puisque visiblement, l'alcool, ce n'est pas comme le tabac, ça n'a pas l'air de poser problème. Et enfin, avec 1825 euros d'économie sur tes clopes, tu peux voyager. Par exemple, aller à Reims pour la fête du champagne, aller à Vire pour la fête de l'andouille, aller à Pont-Aven pour la fête de la galette, ou alors, si tu es fou, tu vas à Bahia, parce que là-bas... C'est la fête du tabac, Bahia se déchaîne dans la joie. Quel éclat, vêtu de mille couleurs, les Indiens et les planteurs font voler chansons et rires. C'est la fête du tabac, chacun boit au pied des grands papayas. Le tafia, quand la soif est apaisée, la vie semble bariolée et les filles endiablées. Lampions et pétards, bongos et guitares, le Brésil la court vers l'amour. Habillée de soie, voici Mariana, prête à s'élancer pour danser. Aussi. C'est Tino qui fume comme un pompier pour la fête du tabac à Bahia. Voilà, fin du 40e épisode. C'était C'est quoi la clope, revue et corrigée par la bande de furieux du Mangin Palace. On se retrouve dès la semaine prochaine à 11h pour une nouvelle aventure total foutraque et archi loufoque. C'était Panique au Mangin Palace, ce Radio Mix a été coécrit Les Toits dans la Brise avec Xavier Mauduit, un ami précieux que je remercie chaleureusement. Au platine, au montage et à la réalisation, il y avait bien sûr H2M, Henri Marc Mutel, alias Maître Yoda. Merci beaucoup Marco, assisté aujourd'hui à la technique de Serge Viguier et de Mathias Alléon. Merci beaucoup à vous deux. Pour toute la documentation, les recherches sonores, on dit merci beaucoup à Amel Caldi et à Catherine Pinto. Pour les scuds, on a Thierry Dupin qu'on remercie également vivement. Merci aussi aux documentalistes de l'INA. Pour toutes les informations complémentaires, la panique au Mangin Palace possède un site internet sur franceinter.com. Après le flash, vous retrouvez Patricia Martin pour son émission Philophile. Allez, portez-vous bien et surtout, surtout, ne lâchez rien. Ciao. Vous êtes nerveux. Vous voulez arrêter de fumer ?